Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, 14-18, la guerre racontée par les archives, une série de Christelle Le Polothèque réalisée par Nathalie Battus. Au départ de cette série, il y a un centenaire et une guerre qui n'en finissent pas, des témoins disparus et des commémorations qu'il ne faut pas négliger. Il y a une génération sacrifiée dans une boucherie épouvantable et un moment de bascule quasi mondial. Alors il faut écouter l'histoire racontée par ceux qui l'ont vécue. Alors pour commencer, les personnages. Des artistes libres, des soldats en goguette, Cocteau, Arletty, des fillettes en friche qui se débrouillent, des femmes de mutilés, un décorateur, Breton qui s'écoute, Léger dans la tranchée, Masson qui n'ira plus, Zara contre la logique, Sandrars qui a tué et Zadkin dans le gaz. Ensuite le décor, l'arrière qui vit et qui crée, le soulagement et l'amertume des permissions, les folies bergères, un ballet cubiste, le Montparnasse bohème, Verdun au loin, des usines d'obus, des abris dans les caves, des arbres blindés, des soldats internés, la révolte et des allumettes. Aujourd'hui, 3e épisode, on fait craquer les vieux disques. Sentait la guerre à Montparnasse en 1916 Spécialement, peut-être pas. À part de ça, qu'il y avait quelques peintres qui manquaient, mais on était jeunes, je ne pense pas qu'on sentait vraiment qu'il y avait la guerre. Plus tard, oui, un peu plus tard, mais la fin. Pendant la guerre, c'était merveilleux. J'ai honte de le dire. Mais parce que l'endroit où je travaillais pour gagner ma vie était fermé, je faisais des dessins de mode. Et alors, le gouvernement français organisait une aide aux artistes, on recevait 25 centimes par jour, et puis des repas dans des cantines. Alors c'était la vie idéale, parce qu'on pouvait travailler jour et nuit sans s'occuper de gagner quoi que ce soit. C'est malheureux d'avoir dire ça, mais je suis obligé de le dire. La guerre est arrivée et elle m'a donné la liberté. Parce que pendant la guerre, on vivait sans rien, sans argent. Enfin, je ne sais pas comment on mangeait, c'était très simple. La vie était très belle. Et je suis devenu libre. LSD, la série documentaire. 14-18, la guerre racontée par les archives. À l'arrière, la vie continue. Il y avait un décalage formidable. À l'arrière, on ne savait pas que c'était la guerre. À l'arrière, on s'amusait. On vivait exactement comme s'il n'y avait pas la guerre. De sorte que quand on sortait des tranchées et qu'on venait dans le monde moderne, alors c'était la même chose que si vous tombiez dans un lac plein d'eau. Et alors quelle était votre réaction quand vous voyiez des gens qui étaient effectivement en train de vivre normalement et... Ils disent, ils ont bien de la veine. Et c'est tout, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous savez, la vie était pour nous quelque chose de théorique, parce qu'on était toujours suspendu entre la vie et la mort. Hein. Alors, quand on venait à l'arrière, on disait « Ouf, maintenant, repos, on va bien manger, on va bien se reposer, et puis on va bien s'amuser. » Voilà à peu près ce qu'on disait. À nos poilus qui sont sur le front, qu'est-ce qu'il leur faut comme distraction? Une femme, une femme. Qu'est-ce qu'il leur ferait gentiment? Passer un sacré bon moment. Une femme, une femme. Au lieu de la sale gueule des Allemands, ils aimeraient bien mieux certainement. Une femme, une femme. Très bon sang, qu'est-ce qu'ils ne donneraient pas pour tenir un moment dans leurs bras? Une femme, une femme. moi, le mot Folie Bergère, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Ils ont dit, nous allons Folie Bergère, comment? Allons-y. Donc, on a appelé deux ou trois fiacres et nous sommes arrivés devant des Folies Bergères à 1h du matin. Et c'est là que j'ai perdu mes officiers pour le restant de tout ma permission. Nous sommes entrés pour la quatrième pièce, je ne sais pas, vers 1h30 du matin. Et la première entraque, j'étais le seul assis là. Qu'est-ce qui s'était passé? Je vois un des garçons et je lui dis, mais jeune homme, il y avait mes officiers, là, je ne sais pas, je les vois plus, ils sont peut-être, je ne sais pas ce qui se passe. Mais il dit, ne t'en fais pas, mon vieux, ils sont pas des salés comme toi, ils sont pas des lourdeaux comme toi. Ils s'amusent avec les poules dans le bar, là, ils sont en train de regarder les danses à poil au sous-bassement. La première entraque, je n'ai pas bougé de mon siège. La deuxième entraque, je croyais que c'était la fin du théâtre. Je suis allé là et j'ai vu que tous les officiers étaient avec des poules et puis s'amusaient, j'étais le seul idiot. Donc, quand le théâtre était terminé vers 3h du matin, je suis sorti et dans la rue, devant les Folies Bergères, tout le monde s'amusait sauf moi. Parce que je ne fumais pas et je ne buvais pas. J'étais vraiment dans les ténèbres. Donc je suis allé dans un petit bistrot en face, là. Aucun des fiacres était libre. Donc, vers 5h du matin, j'ai vu un fiacre qui est venu là pour prendre le café. Je lui ai dit, vous voulez me conduire à mon hôtel? J'étais habillé, naturellement. Nous avions l'ancien chapeau de cow-boy, vous savez, la première guerre. Vous les avez vus, hein? Mm-hmm. Donc il me regarde, mais il me dit, qu'est-ce que tu es, toi? Tu es un soldat déguisé, toi? Je lui ai dit, non. Il dit, comment se fait-il que tu parles français? Je lui dis, je suis de race canadienne française. Mais il dit, tu étais au théâtre? Je lui dis, oui. Il dit, es-tu toute seule comme ça? Je lui dis, oui, j'étais avec des officiers, ils sont tous partis avec des poules. Là, je commence à prendre le mot. Il me dit, maintenant, je vais te conduire. C'est ma dernière course. À quel hôtel? Je sais pas. Comment tu sais pas? Mais nous sommes arrivés des Vosges. Ce soir à 7h, à la gare, et nous sommes allés dans un hôtel. J'étais avec 5 officiers, et c'est tout ce que je peux vous dire. Je n'ai pas demandé le nom de l'hôtel, rien du tout. J'étais tellement fatigué. Je lui dis, il n'y a pas un endroit qui s'appelle Luna Park. Il y a une grande roue. Ben, je lui dis, c'est presque en face d'une grande roue. Ah, il dit, c'est porte-maillot. Nous sommes arrivés là, ça n'aura pas été que la patronne qui était là, qui attendait après moi, sur le trottoir à 7h du matin, et elle m'a reconnu. Et c'est elle qui a payé encore le fiac. Donc je suis rentré et j'ai mangé une très bonne soupe à l'oignon, il était 8h du matin, et je suis monté au grenier, et puis j'ai passé une perme sans payer un centime. À Paris, passé les premières frayeurs, la vie reprend ses droits. Les femmes travaillent pour participer à l'effort de guerre et se débrouillent seules pendant que les hommes sont au front. À Montparnasse, les artistes découvrent une liberté nouvelle. Jean Cocteau, qui vient d'être démobilisé, travaille avec ardeur aux côtés de Picasso et de Satie à la naissance du ballet Parade. C'est en 16, avec Picasso, d'abord avec Stravinsky, Picasso, Satie et bien d'autres, que j'ai appris que l'art était un sacerdoce et que les muses, que je croyais être des fées charmantes, étaient des dames féroces qui, comme les mantes religieuses, dévorent l'époux pendant l'acte d'amour. Ce n'était plus une farce. Et là, nous étions... il ne faut pas oublier aussi que Montparnasse était un village, une petite ville de province, l'herbe poussait entre les pavés, il y avait deux cafés, la Rotonde et le Dôme, et nous ne savions pas qu'il existait un public. Tout se passait entre nous. Le public était orienté vers autre chose, vers la guerre, et Paris était une ville libre, une ville ouverte, que d'ailleurs nous avons prise, puisque toute la révolution de l'art s'est produite à cette époque. Et je vous le répète, il n'y avait pas d'actualité, il n'y avait pas de photographe, il n'y avait pas de journaliste, il y avait... Tout cela se passait entre nous. C'était des disputes très violentes, quelquefois, des brouilles, des haines, des amours, mais tout ça était entre nous. Parade prit forme vers la fin de cet hiver, 1915 à 1916. Valentine, Hugo. Jean Cocteau s'en alla vers le front, au nord, avec les convois automobiles du comte Étienne de Beaumont, et c'est du secteur 131 que me vinrent ces lettres. Toute la France était malheureuse, c'était le temps de Verdun. Il neigeait. Et cependant, les poètes écrivaient, les musiciens composaient. Mais enfin, Parade ne prenait pas encore vraiment forme. Cela flottait dans l'air, vous comprenez, sans plus. Au commencement de mai 1916, j'avais obtenu que le projet Cocteau-Satie enfin soit devenu réalité. J'étais alors chez ma mère à Boulogne-sur-Mer. Cocteau m'écrivait « Je trouve à votre contact la force de rebondir. Grâce à vous, j'ai envoyé à Arcueil une grosse liasse de travail. Grâce à vous, je m'acharne avec solitude et somnambulisme. » En vérité, ce sont les premiers mots sur Parade, n'est-ce pas ? J'étais inquiète de Satie. Les choses traînaient, comme on dit. Je lui écrivais. Je ne recevais rien de lui sur ce sujet. Puis enfin, en mai, de Paris, où il était revenu en permission, Jean Cocteau m'écrivit « Chère Valentine, pneu de Satie. Très épatant, dit-il. Est-ce là du chaud dans sa langue de faune ? Tâchez de savoir. » Et Satie n'était pas toujours de bonne humeur. En juillet 1916, il m'écrivait « Je ne travaille pas. J'ai sur moi une dépression épouvantable que je ne puis surmonter. Cela va mal. J'ai envie de faire des mufleries au pauvre monde. Du reste, j'en fais. » Que devient Cocteau ? À lui aussi, j'ai fait une muflerie que je vous conterai plus tard, beaucoup plus tard. Parade se transforme en mieux derrière Cocteau. Picasso a des idées beaucoup plus belles que celles de notre Jean. Et Cocteau ne le sait pas. Que faire ? Picasso me dit de continuer sur le texte de Jean et lui, Picasso, travaillera sur un autre texte, le sien, qui est étourdissant, prodigieux. Je deviens fou et triste. Que faire ? Connaissant les belles idées de Picasso, je suis navrée d'être obligée de composer sur celles du bon Jean. Moins belle, oh oui, moins belle. Que faire, écrivez-moi pour me conseiller, je suis fou. Tout s'arrangeant encore. Et voilà, dans quelle atmosphère se fit la croissance de Parade. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de transporter, comme Picasso faisait pour les objets, dans un autre monde, les gestes. Par exemple, les gestes de Massine étaient à l'époque des gestes de grimaces. Je voulais transporter des gestes réels jusque dans la danse. Et le travail se faisait dans une cave qui s'appelait la cave Taglioni. Picasso a été très aidé dans la construction de ses managers, de ses grandes carcasses par les futuristes. Et vous savez que le tout a fini au Châtelet par un effroyable scandale. Et ce qui résume ce scandale et ce qui éclaire ce scandale, c'est le mot que nous avons entendu dans les couloirs. On voulait nous tuer, des dames se précipitaient sur nous avec des épingles à chapeau. Nous avons été sauvés par Apollinaire parce qu'il avait la tête bandée, il était en uniforme et on le respectait. Il se mettait devant nous comme un rempart. Mais nous avons entendu, Picasso et moi, un monsieur qui disait à un autre « Si j'avais su que c'était si bête, j'aurais amené les enfants ». La guerre a changé la vie des femmes. Elles sont nombreuses à se porter volontaires en tant qu'infirmières, mais on les retrouve plus massivement encore dans les champs ou dans les usines d'armement, où elles remplacent les hommes envoyés au front. Arletty, qui avait 16 ans en 1914, raconte. Et c'est à cette époque que vous avez eu votre premier petit amour, que vous avez appelé très joliment Ciel. Oui, c'est qui a été tué au début de la guerre de 14. Vous l'avez appelé Ciel parce qu'il avait des yeux bleus. Des yeux très bleus, oui. Et alors, il a été tué au début de la guerre de 14. Début de la guerre, les premiers jours de la guerre. Et là, vous avez eu une parole terrible qui vous a suivi toute votre vie. Vous avez dit, je ne serai ni veuve de guerre, ni mère de soldat. Oui, cependant, j'étais jeune pour dire ça. Oui, parce que vous aviez 16-17 ans quand vous avez dit ça. La déclaration à la guerre, j'avais 16 ans. C'est ça. Oui. Et vous avez décidé que... Ah là là, ah oui. Vous ne vous marieriez jamais. Jamais. Me marier, peut-être. Enfin, ni veuve de guerre, ni mère de soldat. Ah oui. En tous les cas, certainement. Ne pas avoir de fils, en tout cas. Ah non. Vous avez eu trop de peine, ce jour-là. Ah oui, un coup qui marque pour la vie, quoi. Mais vous avez travaillé avec votre maman, vous étiez vérificatrice dans une usine d'obus. À cette guerre-là, oui, parce que mon père a été écrasé et tout ça. Mais j'ai quitté justement pour aller avec elle, qui elle est devenue aussi rentrée dans une usine. Pour l'accompagner, elle, j'ai quitté, je n'avais pas de place du reste, c'était pas difficile. J'ai quitté la sténo pour aller avec elle, au contrôle des obus. Ouais. Je pense que les miens n'ont pas dû tuer beaucoup de monde. Vous étiez chez Schneider, ouais, Schneider du Creusot. Ah mais après, c'est après le Creusot. Après, je suis allée au Creusot. Mais au Creusot, à Paris, rue d'Anjou, 15-16. Oui, c'est ça, pendant la guerre. C'est ça, voilà. La grande guerre, voilà. Hein, toujours, oui. Mais là, j'étais chez un commandant très sérieux, le commandant Charvet, archi connu. C'était sérieux, vous savez, on n'entrait pas comme ça. On n'entrait pas comme ça à la rue d'Anjou. Il fallait malgré tout prouver que où mes parents étaient bien et tout ça. Vous comprenez? C'est malgré tout une chose de guerre, la plus importante. Schneider du Creusot. Donc il fallait avoir déjà ces lettres de noblesse pour rentrer. Ah oui, enfin, d'honnêteté en tout cas. Ah oui, ça c'est sûr, ça. Et vous vous intéressiez à la vie artistique qu'il y avait non, quand même tout, pendant pas la guerre? Pas du tout. Pas du tout, monsieur. Moi, j'allais souvent à l'Alhambra, tout ça, parce qu'on avait des choses qu'on nous donnait. Chez ma marraine, nous avions des places pour l'Alhambra. C'était là que j'allais, à l'Alhambra et à des jazets. Mais sans attacher d'importance... Pas du tout l'idée de faire du théâtre, mais alors pas du tout. Voilà. C'était l'époque où Alice Cossea avait créé Fifi. Non, elle a créé en 18, oui, c'est ça. Oui, c'est pas ça. Pas loin. Oui, Vous l'aviez vu? Oui, je l'avais vu. Mais ça n'a aucune idée. En admirant, je ne voudrais pas faire ça. C'était même pas par ne pas vouloir le faire. Je ne m'en sentais pas capable. Vous comprenez? Ça ne m'intéressait parce que je ne me sentais pas capable de faire ce métier-là. Ça ne me tentait aucunement. Pas du tout. Je vous dirai comment, après, ce sont des grands acteurs, un homme comme Rému, comme Spinelli, comme Max Derli, quand j'ai eu la chance de me trouver dans cette troupe comme petite personne, alors ces gens-là, j'ai dit, c'est un grand métier, ça. Au fond, ça me plaît d'y rester. Sans ça, je serais partie. C'est-à-dire, quand vous avez vu Fifi, par exemple, ça n'a rien éveillé en vous. J'admirais ces gens-là, les admirais, en me disant la difficulté qu'il y avait à faire ce métier-là. Je crois que c'est le père Guitry. Une dame lui demandait, est-ce que c'est assez facile, c'est facile de faire d'être acteur, hein? Il a dit, madame, ça n'est pas facile, c'est impossible. De guerre. Madame Rose. Alors, tous les hommes, les instituteurs sont tous partis à la guerre. Ils étaient dans les tranchées. Et alors, les dames, les institutrices des filles, il n'y avait que la directrice. Les autres étaient chez les garçons. Il fallait remplacer les hommes qui étaient partis. Alors, nous n'avions pas la maîtresse. On s'amusait bien. On s'amusait bien. Alors, des fois, nous avions une grande qui venait nous surveiller. Alors, on faisait des dessins sur l'ardoise, on faisait... Voilà. Et moi, j'ai pas le certificat, hein. Je suis allée 4 ans à l'école. Je suis allée en 14 et je suis partie en 18. Alors ça fait que le temps de la guerre. Et puis ma mère est tombée terriblement malade, on l'a emmenée à l'hôpital et je suis restée toute seule. Lucie Beaumont. À 13 ans. Au début de la guerre. Au début de la guerre. Et alors il a fallu que je trouve un petit emploi à droite, à gauche. Je bricolais pour avoir quelques sous pour manger, quand je pouvais, pas tous les jours. Et qu'est-ce que vous avez fait comme travaux alors ? Eh bien, je faisais des courses pour les voisins. Puis après, j'ai eu un petit travail parce que j'ai eu des faux papiers d'une amie. Parce qu'à ce moment-là, c'était pas comme maintenant, il n'y avait pas de contrôle. On avait un carnet de travail et à partir de 13 ans, on pouvait travailler. Donc là, j'avais des papiers d'une amie de 16 ans. J'étais toute petite, on avait du mal à croire que j'avais 16 ans, mais enfin, on l'a pris. Et j'ai travaillé chez Renault, sur l'atelier 33, je m'en rappelle. Carrément la grosse industrie. La grosse industrie, oui. Alors, on travaillait le jour et la nuit. Alors, des fois, j'avais des camarades qui voyaient que je tenais plus le coup. Ils me faisaient un lit sur les copeaux pour que je dorme. Vous travaillez même la nuit ? Même la nuit, oui. On faisait le jour et la nuit. Et puis alors, les nouvelles à Paris, si vous voulez, c'était les taupes. On avait peur des bombardements. Et puis la grosse Bertha qui avait des dégâts dans le quartier où j'habitais. Et puis ma mère était toujours à l'hôpital. Et elle est morte quelques jours avant l'armistice. Voilà. Et vous habitiez où ? Vous habitiez toujours chez vous ? Oui, là, on m'avait expulsée parce que je ne payais pas de loyer. J'ai eu beaucoup de difficultés pendant la guerre. Enfin, vous voyez, on s'en tire. Alors après, mon Dieu, j'étais plus âgée, j'ai eu 16 ans et j'ai travaillé. Qu'est-ce qu'on vous faisait faire à l'usine ? J'étais dans la visserie, on faisait uniquement des vis. C'était une machine automatique, ça marchait tout seul, il fallait la régler, c'est tout. Il y avait beaucoup de femmes à ce moment-là qui travaillaient ? Oh, énormément. Il y avait quelques hommes qui étaient réformés pour infirmité ou quelque chose. On était presque toutes des femmes. C'est-à-dire que c'est des femmes qui prenaient les emplois des hommes qui étaient évidemment, oui. Et il y avait beaucoup de femmes là qui travaillaient pour la première fois ? Ben oui, il y en a beaucoup. Beaucoup, oui. Puis ensuite, mon Dieu, j'ai eu 16 ans. Et là, ça a été mieux. Je me suis trouvé une place de mannequin dans une maison de couture. Et alors là, j'étais nourrie le midi, c'était déjà quelque chose. Et puis c'est tout, vous savez, ce que j'ai vu, mon Dieu, c'était des descentes dans les caves, dans les machins. Puis alors, je vous dis, la grosse Bertha qui a fait des dégâts à côté de chez moi. Et puis les taupes qui venaient, et puis enfin les queues qu'il fallait faire à 5 heures du matin pour avoir 100 grammes de ceci ou 100 grammes de cela. Enfin, la vie n'était pas drôle. Enfin, voilà les péripéties de la guerre de 14. Mais je m'en rappelle. Vous savez, j'en ai eu des misères. Ouais. Et on ne s'occupait pas des jeunes. Hein. Vous savez, il n'y avait aucun secours. S'il y avait la soupe populaire. Et vous alliez souvent, vous ? Quand je pouvais, quand je ne travaillais pas. Oui. Et il y avait beaucoup de gens dans ces endroits ? Oh oui, c'était plein. C'était plein tout le temps. Puis des gens très bien, vous savez. Parce que même riche ou pas riche, il n'y avait pas à manger. L'école vous entient la guerre, votre leçon tant bien que mal, attend les blessés de la guerre, votre école est un hôpital. Dans toutes les salles de classe, des lits blancs, plus de bureaux à l'encre salie, partout on a mis à sa place des lits de fer, des tristes lits. Veux-tu que la France périsse ? D'un élan, ton cœur m'a dit non. Il faut soutenir la justice avec le sabre et le canon. Nous ne récitions pas des choses jolies, pas des choses... C'était triste. Et alors à l'école, qu'est-ce qu'on vous faisait chanter de patriotique ? La Marseillaise. Ben, les trois couleurs. Les trois couleurs de France. La Marseillaise. On nous faisait chanter. Les trois couleurs, mais je ne me rappelle plus les paroles. La Marseillaise, on nous faisait réciter des... C'était mon frère qui avait les récitations. Moi, je n'avais pas la maîtresse, je ne faisais pas de récitations. Nous, on jouait, on dansait, on ne faisait rien à l'école. Mon mari est parti très jeune. Il est parti très jeune. Il n'avait pas 19 ans. Madame Ledon. Il n'avait pas 19 ans. Alors, il a fait 3 mois de préparation, puis on l'a envoyé sur le front. Il n'a pas tellement fait de guerre, parce que c'était quand même sur la fin. Sur la fin. Mais je ne sais pas où il a été blessé. Grand mutilé, il avait coupé le bras, coupé ici. Mais c'était le bras droit, alors. Il a été... Ah, mais nous n'étions pas mariés, on s'est mariés qu'après. C'était un capitaine qui nous mariait. Il mariait toutes les jeunes filles du coin, parce qu'il y avait tellement eu de tués et de blessés. Hein, il avait dit, il faut que toutes les jeunes filles se marient. Il y en a qui ne voulaient pas se marier avec des grands mutilés. C'est un capitaine qui habitait l'avenue à côté et qui nous a mariés à 3 ou 4 jeunes filles. Il m'a trouvé mon mari, il dit, faut vous marier, il faut que la France ait des enfants. L'autre, c'était pareil, c'était un employé des postes. Enfin, on s'est toutes mariées, on a toutes eu des enfants. Hein. Vous ne le connaissiez pas avant la guerre, votre mari ? Mon mari, non. Je ne connaissais pas avant la guerre. Et c'est ce capitaine qui vous l'a présenté ? Non, j'ai fait sa connaissance, même avant le capitaine, je le connaissais, avant le capitaine. Et c'est le capitaine qui a marié toutes les jeunes filles du coin. Nous étions 3 ou 4. Il y en avait une qui avait perdu son fiancé à la guerre, elle ne voulait pas se marier. Et puis des grands mutilés, c'était pas tellement rigolo, hein, des grands mutilés. Si mon mari était... Il avait mal dans la colonne vertébrale, bras coupé ici, hein. Vous savez, il était gentil, mais quand il y avait qu'à la souffrance, il a, c'est ça. Et c'était une époque qui était terrible pour les jeunes filles, parce que c'était pas plus très facile de trouver un mari, là. C'était pas facile de trouver un mari, c'est pour ça qu'il fallait prendre ce qu'il y avait. On pouvait pas choisir, hein. Il y avait que des grands mutilés. On pouvait prendre que des grands mutilés. On les a pris comme ils étaient. Il y en avait qui n'avaient qu'une jambe, il y en avait qui n'avaient qu'un bras. Il y en avait qui n'avaient que 2 jambes, qui n'avaient pas de jambes. Mais ceux-là, je ne sais pas s'ils étaient mariés avant, je pense. Mais je crois que les journaux en avaient parlé. C'était un appel du gouvernement. Hein. C'était un appel du gouvernement. Il fallait que les jeunes filles qui restaient là se marient. Hein. Et il n'y avait pas le choix, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas le choix, hein. On ne pouvait pas choisir. Hein. C'est ce que vous avez pensé, vous ? Parce que vous avez dû hésiter quand même à épouser... Eh bien, ça a duré 2 ans. Mais c'était son bras gauche, il était gaucher, il était d'une adresse. Si je vous disais, il était très nerveux, alors ça faisait une boule, là. Il avait une ceinture en flanelle, hein. Il se roulait dans sa ceinture en flanelle. Parce qu'après notre mariage, le lendemain matin, je me suis levée pour l'aider à s'habiller, mais c'est qu'il n'a jamais voulu. Et mon mari, je l'ai conservé 42 ans, tant que j'ai pu, hein. Ça ne pouvait pas aller plus loin. Mais il n'était pas tellement vieux, il n'avait pas 70 ans quand il est mort. Hein. Il est bien soigné. On s'est bien accordé. Il y avait des moments durs. C'était obligé. Hein. Je ne regrette rien. On aurait eu un qui aurait eu ses 2 bras, ça n'aurait pas été si bien. Albumblatt. Hab nicht so lieb die knospende Rose, es flöge gar bald ohne Heimat und Halt, ihr Duft hier vorüber ist uferlos. Unsterblich ist der Schmerz allein, was ihn du besetzt. Sur le front des artistes, une autre guerre fait rage. Paul Bourget, René Bazin et Maurice Barrès font œuvre de propagande et idéalisent la guerre. La génération suivante, celle qui est en âge d'aller au front, et témoin des horreurs dans les tranchées. Entre eux, la rupture est définitive. Voici les témoignages de ceux qui ont combattu, comme l'illustrateur Dunoyer de Segonzac. Il y avait beaucoup de décorateurs de théâtre. Et il y avait un ami Mouveau qui avait beaucoup de talent et qui était à l'opéra. C'est lui qui a trouvé le principe du raffia. Le raffia est pour imiter l'herbe. était été de l'herbe teinte en vert, mis sur du treillage et qu'on mettait au-dessus des batteries ou des observatoires, oui, et qui en photo d'avion donnait absolument la matière de l'herbe. Oui, mais qu'est-ce que vous faisiez? Vous ne passiez pas votre temps à peindre du raffia? Oh non, non, nous, je le posais, moi. Oui, oui. Et je faisais beaucoup d'arbres observatoires, et c'était ma spécialité. On faisait des arbres blindés qu'on mettait en première ligne, des arbres blindés qui pesaient quelquefois jusqu'à... Des arbres en acier? Oui, en acier. Alors vous les peignez aussi? C'est-à-dire qu'on prenait toujours... Vous ne faisiez tout de même pas des fausses feuilles sur ces arbres? Non, non. On aurait dit des mobiles de caldaire. Non, non, non, non. On prenait toujours des arbres étêtés, vous savez, sur le front, oui, dans les mauvais secteurs, il y avait trois arbres sur quatre qui étaient décapités. Et c'était un peu un tuyau de poêle, ces arbres. Alors, on copiait on faisait de la fausse écorce, qu'on préparait tout ça, était préparé à l'avance. Oui. Et l'arbre était un espèce de cylindre qui était blindé à 1,5 cm. C'était à l'épreuve des balles et à l'épreuve des chapnels. On l'enveloppait, on faisait l'opération en une nuit. Mais l'observateur était à l'intérieur de ce cylindre. Il était à l'intérieur de ce cylindre avec des viseurs et des périscopes. Oui. Et une chambre téléphonique, pas de périscope, à vue directe, on en a mis très près. Moi, j'en ai mis à 150 mètres des Allemands. On travaillait toujours la nuit. C'était un peu risqué aussi, car tout de même, les Allemands voyaient un arbre supplémentaire le lendemain dans le paysage. Mais non, non, mais l'autre a été supprimé, le premier était supprimé. Ah bon. Il était simplement décalé d'1,50 m. Oui. Et alors, on se servait même de l'arbre existant pour étayer, pour monter, parce qu'on montait avec des palans. Alors, dans la nuit, il y avait un moment deux arbres parallèles. Mais avant le jour, on supprimait l'autre, qu'on recouvrait avec du raffia et des choses comme ça. Et il restait comme ça. Nous ne sommes plus dans le cubisme, mais nous sommes dans le surréalisme réellement. Ah, oui, oui. Oui. En tout cas, je ne voudrais pas que... C'est très intéressant de voir que vous avez été un camoufleur, comment dit-on? Camoufleur, on dit camoufleur. Et vous n'aviez pas la vocation d'un camoufleur. Non, non, mais c'est les circonstances qui ont fait que ça suit devenu. Sac au dos, vous connaissez cette nouvelle de Huysmans, un des chefs-d'œuvre du naturalisme qui prend place dans les soirées de Médan. Eh bien, il suffirait de transposer cela quelque peu, de le maintenir un peu moins à ras de terre, pour se faire une idée de l'humeur de certains jeunes gens dont j'étais, que la guerre de 1914 venait d'arracher à toutes leurs aspirations pour les précipiter dans un cloaque de sang, de sottise et de boue. André Breton. Pour ma part, le premier moment de stupeur passé, quelques mois de classe d'artillerie, je m'étais mis à promener un regard plus qu'interrogateur autour de moi. Tout près, au cantonnement même, les plus sensibles s'étaient secrètement trouvé un refuge. Tel d'entre eux sauvait ses rares loisirs en dessinant de nouveaux modèles de robes. À la lecture des punitions que lui valait sa totale inaptitude aux exercices militaires, il se bornait à élever à sa narine un minuscule flacon d'essence d'ambre. Tel autre, au premier mot de repos ou de halte, s'enfouissait dans les épîtres aux Corinthiens. Même plus ou moins voilés, les désastres du début, les sombres perspectives de la guerre de tranchées, l'issue incertaine du conflit entraînait un état d'âme, il faut bien user de ces mots, où la résignation trouvait difficilement place. Mais à quelle source donc le poète que vous étiez alimentait-il son esprit ? Ma première réaction cohérente avait été de me tourner vers ceux que je croyais en mesure de faire entrer quelques lumières dans cette fosse aux murennes. Comment, dans ces conditions, n'aurais-je pas été tenté de demander secours au poète? Que pensait-il de l'effroyable aventure? Pour moi, il y avait alors un homme dont le génie poétique m'éclipsait tous les autres, faisait à tout instant point de mire. C'était Guillaume Apollinaire. Guillaume Apollinaire, voilà le grand nom lâché. Et je souhaiterais que vous nous définissiez l'importance que ce poète et son œuvre avaient alors à vos yeux. La première fois qu'il devait m'apparaître physiquement, c'est sur son lit d'hôpital le 10 mai 1916, soit le lendemain de sa trépanation, ainsi que me le rappelle la dédicace de mon exemplaire d'alcool. À partir de là, je devais le revoir presque chaque jour jusqu'à sa mort. C'était un très grand personnage, en tout cas comme je n'en ai plus vu depuis. Assez hagard, il est vrai. Le lyrisme en personne, il traînait sur ses pas le cortège d'Orphée. Il était l'auteur de la chanson du mal-aimé et de Zone, de l'émigrant de Landerode et du musicien de Saint-Méry, le champion du poème événement, c'est-à-dire l'apôtre de cette conception, qui exige de tout nouveau poème qu'il soit une refonte totale des moyens de son auteur, qu'il court son aventure propre hors des chemins déjà tracés, au mépris des gains réalisés antérieurement. Quelle mise en garde contre les poncifs dont on devait si peu nous faire grâce après lui. Ah Dieu, que la guerre est jolie, avec ses chants et ses longs loisirs, la bague si pâle et polie, et le cortège des plaisirs. Adieu, voici le bout de sel. Il disparut dans un tourment et mourut là-bas, tandis qu'elle cueillait des fleurs en se damnant. L'adieu du cavalier, Guillaume Apollinaire. Apollinaire a eu justement une attitude étrange. Philippe Soupeau. Ça s'explique peut-être par ses origines. Il s'appelait Dokostrovitsky. Il avait été, si vous voulez, adopté par la France. Il était déjà un poète français connu. Il avait publié Alcool. Il était déjà, tout de même, un écrivain français. Et il a éprouvé le besoin, peut-être par reconnaissance pour la France, de s'engager. Et il s'est engagé avec une sorte d'enthousiasme tout à fait remarquable. Et quand il a publié des poèmes sur la guerre, qui ont été recueillis dans Calligramme, eh bien, évidemment, nous avons été tout de même troublés. Parce que nous l'admirions, nous savions quel rôle il avait joué comme critique d'art, comme le personnage principal de toute la peinture moderne, et qu'il avait été, si vous voulez, l'annonciateur du cubisme, l'annonciateur de Kirchhoff, l'annonciateur de Henri Rousseau, et que brusquement, voilà cet homme qui se transforme en lieutenant d'infanterie et qui écrit des poèmes sur la guerre en disant « As-tu connu Guillaume Gallo ?» Du temps qu'il était artilleur, as-tu connu Guillaume Gallo ? Du temps qu'il était artiflot. Le 31 du mois d'août 1914, je partis de Deauville un peu avant minuit, dans la petite auto de Rouvert. Avec son chauffeur, nous étions trois. Nous dîmes adieu à toute une époque. Des géants furieux se dressaient sur l'Europe. Les aigles quittaient leur aire attendant le soleil. Les poissons voraces montaient des abîmes. Les peuples accouraient pour se connaître à fond. Les morts tremblaient de peur dans leur sombre demeure. Les chiens aboyaient vers là-bas où étaient les frontières. Je m'en allais portant en moi toutes ces armées qui se battaient. Je les sentais monter en moi et s'étaler les contrées où elles serpentaient. Avec les forêts, les villages heureux de la Belgique, Francorchamps, avec l'eau rouge et les Pouons, région par où se font toujours les invasions, artère ferroviaire où ceux qui s'en allaient mourir saluaient encore une fois la vie colorée, océan profond où remuaient les monstres, dans les vieilles carcasses naufragées, hauteurs inimaginables où l'homme combat plus haut que l'aigle ne plane. L'homme y combat contre l'homme et descend tout à coup comme une étoile filante. La petite auto, Guillaume Apollinaire. Non, j'ai fait la guerre 14-18 comme brancardier, alors comme cadavre, je m'y connais. J'en ai vu toutes les dimensions et toutes les couleurs. Fernand Léger. Avec une parfaite indifférence au bout d'un certain temps. Au bout d'un certain temps, mais le premier... Le premier c'est un fantassin, c'est en arrivant au front. Un fantassin couché sur le bord d'un talus. Et qui était là certainement depuis plusieurs jours, qui avait diminué, on le sentait déjà, il entrait dans le sol, il n'avait plus son volume. Et presque, il n'y a pas que moi, tous les hommes qui étaient là, qui étaient des jeunes recrues, n'est-ce pas, regardaient avec des yeux effarés. On avait l'air qu'il y avait l'uniforme, il n'y avait pas de corps dedans. Et c'était, il n'avait aucune blessure apparente, il était comme couché, mais diminué, n'est-ce pas, diminué, réduit, à un costume avec rien dedans. Voilà l'impression que nous avions tous. Il y a des émotions esthétiques, mais je ne veux pas en parler plus longuement. J'aime mieux vous dire comment j'ai repris la peinture. Hein. Voilà. Bon. Alors, je suis blessé assez gravement pour ne plus retourner au front. André Masson. On ne veut pas me réformer tout à fait. Je dis, je ne suis plus soldat. Voilà la subversion. Dès que j'ai été blessé, j'ai dit, je n'y retournerai pas. C'était pas la peur, ce n'était pas vrai, mais j'avais vu assez. Je l'ai dit dans les hôpitaux, je l'ai dit partout, je ne suis plus soldat. Les infirmières riaient, les soldats riaient. Il y en a un qui n'a pas ri. C'était un nommé Brillant, qui était un psychiatre et aussi légiste, et qui m'a fait enfermer. Ma mère connaissais une infirmière chef là-bas. Cette infirmière a été trouvée, ma mère a dit, votre fils vient de dire des choses terrifiantes, les Allemands marchent sur Château-Thierry. Votre fils dit à Briand, qui l'interroge au Val-de-Grâce, je ne suis plus soldat, je ne me considère plus comme soldat, j'ai fait la guerre volontairement, puisque je suis revenu de Suisse pour la faire comme une expérience. Vous déclarez, vous dites tout ce que je suis inapte à retourner au front, je ne suis plus soldat. Je veux que vous me donniez la liberté et je veux partir aux Indes, car j'en ai assez de la civilisation occidentale. À ce moment-là, deux déménageurs sont arrivés, vous savez, c'était les infirmiers, et j'étais dans un cabanon, voilà. Alors je vous fais grâce du reste, il a fallu que je me sorte de ce traquenard. Ma mère y a aidé, puisque elle est tout de même arrivée à ce qu'un colonel du deuxième bureau avec lequel elle flirtait, disons ce qui est, a infléchi la décision de Briand et des autres médecins d'ailleurs, et je vois dans mon cabanon au Val-de-Grâce arriver Briand. Briand qui était très redoutable, il ressemblait au duc d'Albe, il avait un cancer de la langue, c'est peut-être ça qui le rendait méchant aussi. De Fleury, d'autres pontes à ce moment de la psychiatrie classique française. Et ma mère éplorée. Elle se jette à ses genoux et dit, voyez dans quel état est mon fils, parce que je ne pouvais plus manger, je ne pouvais plus rien avaler, j'étais dans un état de guerre, on pensait avec le monde entier, et je ne pouvais même plus souffrir ma mère. Et alors j'étais très rude d'ailleurs avec elle, je lui dis, lève-toi, qu'est-ce que c'est que cette scène à la Dostoïevski, je lui ai dit. Et alors, Briand a dit, vous savez ce que dit votre fils, les Allemands marchent sur Château-Thierry. C'est très humain ce que je veux faire, de l'envoyer dans un asile d'aliénés. Car si ce n'est pas dans un asile d'aliénés, c'est dans la prison qu'il ira, car c'est un défaitiste. Or, dans mon esprit, je n'étais pas défaitiste du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Jamais je n'ai prêché le défaitisme. C'était personnel, je suis venu, j'ai vu, je m'en vais. C'était peut-être déjà assez surréaliste, non? C'était très individualiste, surtout. Ah! J'aime mieux ça, tiens. Et c'est là le crime. Voilà. J'ai encore une fois rencontré un médecin qui était un ange. Il a tout de même accepté de me mettre en observation à Maison-Blanche. C'est-à-dire de ne pas me diriger immédiatement, faire diriger sur Ville-Évrard. Mes papiers ont été retouchés, ont été refaits. Je rentrais dans le social. Quand même, je n'étais pas encore mis définitivement du côté des irresponsables. Et là, mis en observation, où c'était très dur parce que là, des gens devenaient fous devant mes yeux tous les jours, j'ai rencontré un médecin, un des anges. J'ai rencontré des anges dans la vie, alors que moi, je n'en suis pas un, c'est curieux. Il m'a dit, vous serez réformé dans 4 mois, je vous le promets. Mais tenez-vous tranquille. Il a tenu parole, au bout de 4 mois, il m'a fait réformer. Il m'a dit, n'habitez plus jamais les villes. Et vous avez quitté les villes ? Autant que j'ai pu, car en effet, il y avait de la misanthropie dans mon cas, je le sens, je le sais. Voir beaucoup d'hommes rassemblés était pour moi quelque chose d'horrible. Vous pouvez voir des gens 2 ou 3 à la fois, mais dès qu'il y avait groupe, masse, c'était un monstre, le monstre, le monstre, mais alors le monstre que je n'aime pas, car il y a des monstres qu'on aime. Philippe Soucault. Il est certain que pour nous, la guerre de 14-18 a été quelque chose d'abominable. Et surtout, pas seulement à cause de 4 ans de boue et de saloperie et de tuerie, mais aussi à cause de l'attitude des gens comme Barrès, comme Bourget, comme Bazin, qui écrivaient des insanités dans les journaux, vantant les miracles de la baïonnette, le vrai 75, qu'il est beau de mourir pour la patrie. Et nous qui voyons, puisque nous étions à ce moment-là mobilisés, qui voyons les blessés, qui voyons les aveugles, qui voyons les gens revenir du front, c'était pour nous une révolte énorme contre nos aînés. Et bien, vous vous rendez compte que tout de même, nous assistions à cette chose. Qu'à Verdun, par exemple, il y a eu 300 000 morts français, 300 000 morts allemands en quelques mois. Alors, nous avons eu une espèce de dégoût total contre nos aînés. Et par conséquent, ça a été une rupture. Et nous avons même, avec Breton et Aragon, nous avons eu une espèce de révolte intérieure qui s'est développée et qui a été même, si vous voulez, jusqu'à une espèce de dégoût profond. la chanson d'un bicycliste qui était dada de cas, qui était donc dadaïste comme tous les dadas de cas. Un serpent portait des gants, il ferma vite la soupape, mit des gants en peau de serpent et vint embrasser le pape. Ses touchants ventre en fleurs n'avaient plus dada au cœur. Le mouvement dada était une réaction contre la guerre. Mais on lui a reproché cependant son nihilisme à outrance. Et vous savez, je crois qu'il n'y a pas deux mesures, ou rien, ou on accepte. Et à mon avis, la grande force du mouvement Dada et sa véritable puissance et sa véritable influence a été qu'il n'y a pas eu de compromis. Ni Zara, ni ses camarades français, ni ses camarades roumains, ni ses camarades suisses ou allemands n'ont accepté de compromis. C'était tout ou rien. Buvez du lait d'oiseau, lavez vos chocolats, dada, dada, mangez du veau. Nous avons ce soir la bonne fortune de recevoir la visite de Tristan Tzara en personne. Tzara est un homme petit avec des lunettes, des yeux assez gros et des cheveux très gris. Il a l'air tout à fait gentil, je dirais même sage. Et pendant que j'essaye de le décrire, il sourit d'une façon assez ironique. Mais je m'en vais lui passer la parole, car après tout, c'est à lui de vous expliquer quelle est l'histoire du mouvement Dada, à laquelle il a présidé. Tzara, je vous passe la parole. Bien, cher ami, vous savez que Dada est né en 1916, en pleine guerre mondiale à Zurich, en Suisse. Nous étions quelques jeunes poètes, écrivains, peintres, qui étions profondément dégoûtés de la guerre. Et dans ce dégoût, nous englobions aussi bien les formes sociales qui avaient engendré cette guerre que les formes d'art qui en résultaient. Et il faut dire que la logique, par exemple, pour nous, a été un des chevaux de bataille contre lesquels nous nous sommes rués avec beaucoup de force et beaucoup d'intensité. Oui, la logique, mais toutes les formes de logique, s'agissait-il simplement des liens logiques ou prétendument logiques entre les mots dans le langage? Oui, plutôt, n'est-ce pas? C'était, nous voulions ressortir l'absurdité de la vie, enfin ce côté absurde, si vous voulez, de la vie, qui échappe au contrôle de la logique et de la raison, et qui faisait que ces guerres pouvaient avoir lieu à ce moment-là et les désordres dans lesquels nous vivions. En somme, votre mouvement de protestation était un mouvement de protestation contre la guerre, non pas seulement contre la guerre en tant que telle, mais contre tout ce qui, selon vous, conduisait à la guerre, c'est-à-dire contre une organisation sociale tout entière. C'est ça. Maintenant, nos préoccupations n'étaient pas uniquement d'ordre social, car nous étions avant tout des artistes, et nous avions fait nôtre la phrase de Rimbaud, maintenant je sais que l'art est une sottise. À vrai dire, la guerre n'a pas provoqué, sauf si vous voulez, ce que nous disions tout à l'heure, les poèmes d'Apollinaire, n'a pas provoqué de véritable littérature, sauf une exception. Exception qui confirme la règle, celle de Blaise Cendrars. Vous savez que Blaise Cendrars est suisse. Il a été engagé dans la Légion étrangère et il a perdu un bras, le bras droit. Et cependant, il a écrit, à mon avis, peut-être une des choses, une des pages, parce qu'on ne peut pas dire que c'est une œuvre, mais enfin c'est tout de même une œuvre considérable par sa portée, c'est « J'ai tué ». Et vraiment, je crois que c'est le chef-d'œuvre de la guerre de 14-18 au point de vue littéraire. Et en deux mots, que racontait ce roman « J'ai tué » ? Eh bien, ce n'est pas un roman, si vous voulez, c'est un essai où il raconte qu'il était dans les tranchées, qu'il a pris un couteau, qu'il est monté à l'assaut et qu'il a tué un des hommes qui n'était pas son ennemi, qui n'était simplement un adversaire. Et je dois dire que c'est, à mon avis, peut-être le chef-d'œuvre de son bras. Et voilà qu'aujourd'hui j'ai le couteau à la main, le stache de Bonneau. Vive l'humanité. Je palpe une froide vérité semée d'une lame tranchante. J'ai raison, Mon jeune passé sportif saura suffire. Me voici les nerfs tendus, les muscles bandés, prêts à bondir dans la réalité. J'ai bravé la torpille, le canon, les mines, le feu, les gaz, les mitrailleuses, toute la machinerie anonyme, démoniaque, systématique, aveugle. Je vais braver l'homme, mon semblable, un singe. Œil pour œil, dent pour dent, à nous deux maintenant. À coup de poing, à coup de couteau, sans merci. Je saute sur mon antagoniste, je lui porte un coup terrible. La tête est presque décollée. J'ai tué le Boche. J'étais plus vif et plus rapide que lui. Plus direct, j'ai frappé le premier. J'ai le sens de la réalité, moi, poète. J'ai agi, j'ai tué. Comme celui qui veut vivre. Et moi, je ne pouvais pas être soldat, parce que je n'avais pas encore l'âge pour être soldat. Et je suis devenu soldat seulement en 1915. Ossip Zadkine. Et je recevais déjà plus d'argent de mon père. Et en 15, je me suis engagé dans l'armée française. Dans la Légion d'abord, et après j'étais affecté dans l'ambulance russe qui était donnée par les tsars à l'armée française. En tout ce temps, en ayant tout le temps des grippes et des rhumes, et de ceci et de cela, en couchant partout où vous voudrez. Jusqu'où j'ai attrapé un jour dans une voiture, parce que j'étais donc brancardier, on allait avec les voitures pour chercher des blessés, et un jour, la voiture, et les voituriers, et moi, et les brancardiers, on se sont trouvés dans un trou. C'était un joli petit odeur, ça sentait un peu comme certaines savonnettes qu'on trouve, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui j'ai appris de se méfier comme de la mort, n'est-ce pas. La savonnette, il y a des gens qui passent dans la rue et on sent qu'ils sont un petit peu... Ils sont parfumés par un savon avec lequel on fait des gaz. C'est des gaz qui sentaient un peu la savonnette. Ça sentait un peu de certaines petites fleurs du printemps. Eh bien, nous étions gazés tous les deux. On nous amenait à l'hôpital et je suis resté dans cet hôpital à vomir pendant tout un mois en buvant du lait. Et un des bons amis de moi qui m'a aidé un petit peu déjà depuis la guerre jusqu'au 15, n'est-ce pas? Il m'a découvert comme sculpteur. Il m'a découvert un jour au salon d'automne. Où à cette époque-là, j'ai signé mon nom, Joe Zadkine. Une vieille réminiscence anglaise, Joe Zadkine, ça. Oui. Alors il a pensé tout simplement, parce que c'était en grec anglais, il a pensé que je suis une femme. Alors il dit, mademoiselle, j'ai vu votre sculpture au salon d'automne, et je voudrais bien faire connaissance avec vous. Et c'était un prince grec, qui avait une admirable maison à Neuilly. Et qui avait beaucoup d'argent à cette époque-là, qui a acheté ma première petite sculpture. Et c'est cet homme-là, pendant la guerre, m'a envoyé toutes les œuvres, les 32 volumes, dans une édition, je crois, de Charpentier. Et il m'a envoyé 32 volumes de Balzac. Et c'est ainsi que j'ai lu tous les Balzac à plat ventre, couché sur le ventre. Et de temps en temps, un peu vomissant, naturellement. Eh bien, je suis sorti, entré à Paris, dans les casernes de Clignancourt. J'ai attendu la réforme, on m'a réformé. Numéro 1, au bout d'un an, on m'a diminué beaucoup moins, mais on m'a donné de quoi m'acheter des allumettes pendant toute ma vie. Et je suis très fier. Et maintenant, quand je donne une allumette à mes amis, je pense, sans lui dire, j'étais donc quelque chose de ma... de ce que je touche de l'État. XIV-XVIII, la guerre racontée par les archives. Une série documentaire de Christelle Le Polothek et Nathalie Battus. Coordination, Perrine Kervran et Marivonne Abolivier. Lecture, Samuel Glomet. Prise de son, Manuel Couturier. Et mixage, Alain Joubert. Merci à l'INA, à la RTBF, aux archives départementales du Var et aux Laut Archives de l'Université Humboldt de Berlin. Thank you.